terre de moche, mon moque, ce ne sont pas mes exigences. Je ne suis pas tous ces gens-là, c'est ce qui fait la différence. Mais n'en fais pas plus, je te prendrai tel quel. Tu peux me croire, mais s'il est vrai que tu me plais, je ne m'en dirai pas. Tu l'as vu le pire. À tes côtés, prendre soin de toi et t'écouter. Un zeste de tendresse, juste ce qu'il faut pour te combler. Fidélité évidemment, pas de je t'aime sans sentiment. Ni un pic ou deux, sans quoi ce serait sans piment. Tu as vu le pire. Je ne ferai plus promesse, je ne ferai.